Il y a des Ford, il y a des Chevrolet, il y a des Chrysler, etc. Ça vient de quoi? C'est qu'il y a toutes sortes de chars qui ne peuvent pas aller à la même vitesse. Ben, ils ne sont pas faits du même matériel. Ils ne sont pas construits pareil. Ils n'ont pas la même expérience. Ils n'ont pas la même évolution. Non, mais on n'a pas la même expérience. T'es pas comme elle, t'es pas faite comme elle? Non, mais qu'est-ce qui a fait que dans le temps, je suis pas devenue comme elle? Ces autres savent tout, pis t'es pas d'ailleurs. On fonctionne pas tout. T'avais ta vie, t'avais ton évolution, elle, elle avait la sienne. Autrement dit, on s'en va tout à Rome, mais on n'aura pas tout le même chemin. Exactement. Bon, on n'arrivera pas tout en même temps. Mais non, parce que les choses sont pas pareils. Il y en a qui vont arriver en retard. Mais ça, il fera rien, lui, parce que ce ne sera même pas un retard. Il va arriver à son rythme. C'est ça. Chacun a son rythme. Pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter si on est fusionné ou pas, si c'est ici ou ailleurs. Ce sera bien quelque part dans le temps. Puis, exactement. Notre évolution, fait... c'est pas de nos affaires. Non. Pas de nos affaires. Hein? Si notre évolution, c'est pas de nos affaires, pourquoi est-ce que. Ben, des gens évoluent pas à un même rythme parce qu'ils sont pas rendus au même stage, ils ont pas la même distance. Mm-hmm. Et leur évolution. Si deux hommes ont commencé à évoluer en même temps, pourquoi une va arriver avant l'autre? Qui c'est qui a dit deux hommes ont commencé à évoluer en même temps? J'aurais la réponse. On recommence pas à passer, là, tu t'en venais bien. Ouais, je pense qu'on va prendre bien les petits prêts à soir parce qu'il fait chaud ici dans l'enfer, hein? T'es fait sur le calorifère. Tu sais, l'énergie des deux bouts. Hein? OK, j'ai parlé de la confiance. Il y en a-t-il un autre? Oui, j'aimerais que tu parles du couple. Du couple? Il a parlé d'un couple, dans une minute, comme ça, là. Puis, je sais pas si je l'ai mal saisi, j'en ai discuté avec une personne, puis, bon, c'est pas ça. Bon. Pourrais-tu parler du couple? Moi, j'ai compris qu'un couple, il faut être un couple pour pouvoir... Bon, je vais en parler une autre fois, parler ça, je vais pas parler ça, il y a une autre ligne, il y a une autre ligne. Il y en a-tu d'autres? Ben, phénomène du temps. Pas important. Mais c'est un autre. Une autre fois, une autre fois. Foucheresse d'une vibration. Y a-t-il un autre? L'humilité. L'humilité? C'est pas ça non plus. Y a-t-il un autre? Il y a ça. Non. Un autre? Le transmutant. Encore bien moins. La centricité. Ce qui est le mieux plus approprié maintenant. C'est la carte. Qui c'est le plus approprié maintenant? Il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont appropriées maintenant. Puis je vais l'élever, ce que je te dis, je vais l'élever pour que ça serve à tout le monde. La première chose qui t'est appropriée maintenant, c'est de comprendre que ce que je dis, moi, c'est bien subtil ce que je vous lance. C'est de comprendre que ce que je dis, c'est pas sujet à discussion ou à interprétation. C'est sujet seulement à votre compréhension intérieure. OK? Ça, c'est bien important. Si vous discutez ce que je dis ou vous soumettez à l'interprétation, vous allez perdre votre temps. Mais si vous allez intérieurement et checker ce que je dis intérieurement, là, vous grandissez automatiquement dans votre propre intelligence. Ça, c'est important. Ça, c'est une grosse clé. Dans ton cas, puis ça, ça sert à tout le monde anyway. Il y en a qui sont moins... qui ont moins besoin de la clé que d'autres. Puis l'autre chose qui est importante qui est pour toi, c'est de comprendre que le doute psychologique est nécessaire pour détruire le doute psychologique. Puis le doute psychologique se détruit seulement d'une façon, quand on ramène